بسم الله الرحمن الرحيم. Désolé pour le retard, j'ai eu un petit empêchement. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on avait prévu dans le programme la semaine d'étudier le livre après Salat al-Asr. On avait prévu la semaine après Salat al-Asr et le week-end entre le Maghrib et l'Isha. Et donc la semaine, on avait dit le livre concernant la description de la prière et le week-end concernant l'asma ou sifat. Exceptionnellement, on va inverser. La semaine, on va faire les cours sur l'asma ou sifat après Salat al-Asr. Et là, le week-end, on verra si on rajoute un jour dans la semaine. On essaiera d'équilibrer. On fera sur as-salat, sur la prière. On fera sur la prière. Et si ensuite on voit qu'il convient mieux de faire l'inverse, on fera l'inverse, sinon on restera sur ce programme en demandant à Allah Azza wa Jal de nous faciliter l'étude de la croyance concernant les noms et ses attributs et de nous faciliter la compréhension de l'étude des livres concernant la description de la prière de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'il nous compte parmi ceux qui accomplissent la prière comme il se doit selon les enseignements de notre noble bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc exceptionnellement, hier on était en train de lire un passage. Je voulais vous faire profiter et faire partager un passage qu'il y a dans la description, dans le livre La description de la prière de Cheikh Al-Albani. Une très belle parole concernant des règles de déduction. Concernant des règles de déduction liées à des hadiths, à des récits qui sont lié à la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, le livre qu'on étudie, c'est le livre de Cheikh Al-Uthaymeen concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on a dit, différents auteurs ont écrit dans le domaine, vu l'importance du domaine de bien parfaire sa prière, que comme on l'a dit, la première chose dont on sera interrogé le jour de la résurrection par rapport à nos œuvres et au culte, la prière, as-salah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de mourir, son exhortation était as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Le prophète exhorta la salat jusqu'au dernier souffle, le prophète exhortait sa nation à la prière, as-salat, as-salah. Donc le bon accomplissement de la prière. Et pour cela, on va essayer d'apprendre, même si beaucoup d'entre vous ont déjà appris, ont déjà suivi des assises ou des cours ou écouté des cours ou lu des livres, des œuvres concernant la description de la prière, mais on a toujours besoin de rappel. Et avec ce rappel-là dont on a toujours besoin, et parfois on a des compléments d'informations. Donc à chaque fois qu'on étudie un nouveau livre, on a toujours des compléments d'informations et il y a toujours des textes ou des informations qu'on oublie. Et donc c'est pour ça que c'est très important. Ou parfois aussi, le rappel est toujours profitable. Pourquoi ? Parce que parfois, il y a des choses qu'on sait, même parfois des choses qu'on maîtrise, mais au niveau de la pratique, on commence à être négligent. Et parfois, lorsqu'on a le rappel, ça nous fait le rappel. Et, par exemple, sur la position des mains, lorsqu'on fait « at-takbir », parfois, on sait exactement, on a appris où est-ce qu'il faut les positionner, comme on verra. On avait dit au niveau des épaules, ou bien au niveau des oreilles, comme c'est rapporté. Cela est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit, on peut lever les mains, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on lève les mains avec les doigts serrés et les mains face à la qibla, à hauteur des épaules ou bien des oreilles. Parfois on le sait, mais parfois, avec la négligence, parfois, et bien des fois on délaisse ce qu'on sait, on va commencer à faire des takbir de cette manière. Allahu Akbar. Or, au niveau de la poitrine, c'est une erreur. Ça ne nous est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Donc parfois, on a des manquements alors qu'on sait. Et c'est pour ça que le rappel est toujours, toujours, toujours bénéfique pour le croyant. Et moi le premier de profiter justement des œuvres des savants. C'est pour ça qu'on va essayer de profiter des enseignements et des œuvres des savants. Donc à la base, on s'appuie sur le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen. Mais parfois au niveau du hadith, puisqu'il y a des recherches très pertinentes faire le hadith dans l'œuvre de Cheikh Al-Albani, donc on se référera parfois dans l'œuvre avec le commentaire d'un grand savant, de la Mecque, qui a commenté justement Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, du Cheikh. Et donc hier, on s'était arrêté. Je voulais vous faire profiter d'un très bon enseignement que mentionne justement Cheikh. Un cheikh dans son livre, Cheikh Al-Albani dans son livre Sifat As-Salah. Et c'était une règle concernant la déduction des hadiths liés à la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a mentionné précédemment. Comme cela a été mentionné précédemment. Et donc, on avait dit que l'auteur nous dit justement dans ce passage où il va nous enseigner cet enseignement très bénéfique, l'auteur nous dit que dans le Coran, on a l'ordre d'accomplir la prière. On a l'ordre donc, wa aqimus salah. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran d'accomplir la prière. L'auteur nous enseigne donc que tout ce qui sera rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la description de sa prière fait partie justement de l'explication, de la clarification de l'ordre d'Allah azza wa jalla wa aqimus salah et accomplissez la prière. C'est pour cela que l'auteur, si vous voulez vous référer à la parole qu'on va lire et traduire de Cheikh Al-Albani, c'est dans la page 110. La page 110 de Sifat Salat An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après nous avoir mentionné le contexte de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Il est rapporté dans une version du récit, comme c'est rapporté d'après Abi Qilaba, wa haddathana Malik, أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة. Et là c'est un homme qui dit, nous sommes venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions jeunes. C'était différents jeunes qui sont partis rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont restés une vingtaine de jours avec lui. 20 jours et 20 nuits avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils disent, le prophète sallam était très clément envers eux. Le prophète sallam a été rafiqan wa rahiman, vraiment très bon envers eux. Jusqu'à ce que le prophète sallam avait ressenti que ces jeunes ensuite voulaient rejoindre leurs proches. Wa alaykoum salam. Alors leurs proches leur manquaient. Alors le prophète sallam ensuite, lorsqu'il a ressenti cela, et le prophète a pensé cela d'eux, alors il leur dit, « Irdi'u ila ahlikum » comme on l'avait pris hier, « revenez vers vos proches. » Mais en les exhortant de revenir vers leurs proches, le prophète ensemble leur a dit, « Fa'aqimu fihim wa'allimuhum » restez ensuite avec eux et enseignez-leur. Et pendant cette vingtaine de jours, ils ont appris des choses avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète les a exhortés et incités de leur enseigner et de rester avec eux. Et parmi ces exhortations du prophète, le prophète leur a dit des choses dont le rapporteur dit certaines choses dont je me rappelle et d'autres choses dont j'ai oublié. Il dit, قَالَ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا وَأَشْيَاءَ لَا أَحْفَظُهَا. Et le prophète leur a mentionné dans cette exhortation lorsqu'il a dit, revenez vers votre peuple, enseignez-leur, restez avec eux. Et le prophète leur a mentionné sur ces exhortations. Sauf que le rapporteur dit, il y a des choses dont j'ai mémorisé, j'ai apprises, et d'autres choses dont j'ai pas apprises. Par contre, il dit, parmi les choses que le prophète ensemble leur a dit, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي شَيْءٌ عَظِيمٌ. Et là, le prophète leur dit, et priez comme vous m'avez vu prier. Donc, il faut prier comme ils ont vu le prophète ensemble prier. فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ Et le prophète leur dit, et que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière, et que le plus grand d'entre vous préside la prière. Et donc, on voit que dans ce récit, le prophète leur a dit, et priez comme vous m'avez vu prier dans cette exhortation immense. Donc ça, ça nous fait vraiment le rappel, l'importance de prier comme le prophète en somme prié. Et l'exhortation dans son livre de Cheikh Ibn Uthaymeen est très importante aussi lorsqu'il mentionne le hadith de l'homme qui avait mal prié à l'époque du prophète. Il est rentré dans la mosquée alors que le prophète kana fi zawiyatil masjid fa salla. Lorsqu'il a prié, on avait dit, il est venu vers le prophète, il a salué, le prophète lui a dit alayka salam, irja fa innaka lam tusalli. Irja fa salli fa innaka lam tusalli. Reviens et prie car tu n'as pas prié. Donc ça prouve que la manière de prier est importante. Et ça, c'est le problème de chacun. Le problème de chacun d'entre nous, que ce soit les hommes, les femmes, les petits et les plus grands, on a un problème. C'est quoi notre souci? C'est qu'on œuvre, mais notre volonté, c'est que notre œuvre soit acceptée. Et ça, c'est le souci de chacun. Notre problème, c'est cette peur-là, toujours cette appréhension que notre œuvre ne soit pas acceptée. On prie, mais on a toujours peur qu'elle ne soit pas acceptée. Donc, il faut essayer de faire toutes les choses pour que nos actions soient acceptées. Notre jeûne soit accepté, nos invocations soient acceptées, nos adorations de manière générale soient acceptées, que notre prière soit acceptée. Et donc, pour que celle-ci soit acceptée, il faut qu'elle soit faite comme le prophète Hassan nous l'a enseigné, et comme le prophète Hassan lui-même priait. C'est pour ça que c'est un sujet immense. Et là, de là, on avait dit que Shir, l'auteur du livre, Shir al-Albani, pose la question. Lorsqu'il cite le hadith « Sallu kama araytumuni usalli » As-sual, kayfa tafham hadhihi al-kalima ou kayfa tufham hadhihi al-kalimatu minhu sallallahu alayhi wa sallam. Comment cette parole du prophète, on peut la comprendre maintenant? Priez comme vous m'avez vu prier. Comment peut-on la comprendre? Il pose là la question, c'est un point d'interrogation. Comment comprendre ce hadith où le prophète leur dit « Et priez lorsque vous allez revenir vers votre peuple, enseignez-leur, restez avec eux, commandez-leur le bien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et parmi les choses qu'il dit, « Et priez comme vous m'avez prié. » L'auteur dit « Mais comment comprendre cette parole-là » Il dit « El Jawab, la réponse à cette question, vous allez le voir à travers les différents points qu'il va mentionner. » On avait mentionné le premier point pour comprendre cela. Le premier point, c'est qu'il dit tout ce qui nous est rapporté des af'al, et retenez bien cette règle très pertinente, tout ce qui nous est rapporté des af'al, des actes du prophète dans la prière, c'est-à-dire tout ce que le prophète faisait, nous est rapporté dans la prière. Qu'est-ce qui nous est rapporté? Par exemple, que le prophète lisait le Fatiha. Par exemple, que le prophète disait Allahu Akbar, comme on va l'apprendre. On ne commence pas la prière en disant Allahu Akbar, parce que les musulmans, à certains moments, dans les premières générations, ont voulu dire cela. On dit cela parce que le prophète Sam nous a enseigné de faire cela. On pourrait dire, si une personne, par exemple, commence à prier, elle dit « Allahu Azim »« Allahu Ajal ». Les savants, les juristes s'accordent pour dire que ce n'est pas valable. Pourtant, « Allahu Azim »« Allahu Ajal ». Pourtant, la parole est vraie. Mais à ce moment-là, il faut dire « Allahu Akbar ». Comme ça nous est rapporté du prophète. Tout, le shir dit, tout ce qui nous est rapporté comme af'al dans des récits d'après le prophète, ensemble, regardez ce qu'il dit. Ça vient clarifier la parole du Créateur et accomplissez la prière. Donc ce premier point, vous le comprenez. Et accomplissez la prière. Le croyant lit le Coran, il médite le Coran, il voit que son créateur lui dit « Accomplis la prière ». D'accord. Comment est-ce que tu accomplis la prière? Qu'est-ce qui t'apprend à accomplir cette prière? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est envoyé justement pour nous enseigner comment accomplir cette prière. Donc le prophète va nous clarifier, nous expliquer le sens du commandement de l'ordre du créateur « Wa aqimu salat » et accomplissez la prière. De sorte que et là on va prendre une règle parmi les bases de la jurisprudence. Les fondamentaux, les bases fondamentales de la jurisprudence. القاعدة الأصولية تنص على أن ما كان من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا للكتب أو للكتاب فهو متمم له ويكون حكمه فعله ويكون حكم فعله صلى الله عليه وسلم كحكم ما بينه ما بينه. De là la règle, une règle parmi les bases essentielles est que indique على أن ما كان من أفعال que tout ce qui fait partie des actes du prophète صلى الله عليه وسلم, ce qui nous est rapporté, ils viennent clarifier, expliquer le livre. فَهُوَ مُتَمِّمٌ لَهُ. Ça vient compléter. On a l'ordre, par exemple, dans le Coran, et accomplissez la prière. Dans la sunna du prophète, صلى الله عليه وسلم, on a l'explication de cet ordre. Qu'est-ce que l'accomplissement? Comment l'accomplir? La prière. De sorte que يَكُنْ حُكْمُ فِعْلِهِ كَحُكْمِ مَا بَيَّنَهُ. De sorte que le jugement de l'acte du prophète صلى الله عليه وسلم qui nous est rapporté, quel est son jugement? Il dit, la règle dit, le jugement de l'acte du prophète qui nous est rapporté a le même jugement que l'ordre divin. Allah Azza wa Jal a dit, accomplissez la prière. C'est un impératif. C'est bien impératif. Impératif, c'est un ordre, c'est un commandement. Donc, c'est une obligation ou une recommandation? Une obligation. Puisqu'Allah ordonne, wa aqimu. Aqama, yuqimu, aqimu. C'est un ferme amr. C'est un impératif. C'est une obligation. Les savants de l'usul, ils disent donc, tous les actes du prophète qui viennent expliquer cet ordre, qui est à la base un ordre, un commandement, dont l'accomplissement d'après est une obligation, alors ces actes qui nous sont rapportés sont obligatoires. Puisque ça vient clarifier une obligation. Donc eux-mêmes sont obligatoires. Eux-mêmes sont obligatoires. Et c'est pour cela qu'il dit وَلَمَّا كَانَ الصَّلَاةٌ وَاجِبَةٌ فَالْأَصْلُ أَنَّ جَمِعَ فَعَلِهِ صَلَى السَّلَمَ الْمَنْقُولَ إِلَيْنَا فِي بَيَانِ كَيْفِيَةِ الصَّلَاةٌ وَاجِبَةٌ كَذَلِكَ. Du fait que la prière en elle-même est une obligation. Donc tout ce qui vient dans la clarification de celle-ci, parmi les actes du prophète, devient obligatoire. Devient obligatoire. لِأَنَّ بَيَانَ الْوَاجِبُ وَاجِبُ. Pourquoi? Parce que clarifier ce qui explique et clarifie l'obligation est en soi-même obligatoire. Jusque-là, vous comprenez? Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Parce que là, c'est une règle un peu technique. Si on a tous compris, on continue. C'est compris? Taïb, regardez ce qu'il dit. وَلَمَّا كَانَتَ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً فَالْأَصْلُ أَنَّ جَمِعَ فَعَلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا فِي بَيَانِ كَيْفِيَةِ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ كَذَلِكَ لأن بيان الواجب واجب وأكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وكذلك ما لم تأتي قرينة صارفة عن الوجوب. Et ça, tant qu'il n'y a pas un indice dans des preuves qui indique que l'acte en fait n'est pas obligatoire. Parce que parfois il y a des actes qui ne sont pas obligatoires. Donc parfois on a des preuves qui indiquent que l'acte que faisait le prophète n'est pas obligatoire. Tant qu'on n'a pas d'indication ici que l'acte n'est pas obligatoire, on dit qu'il est obligatoire. Comme nous l'explique l'auteur. وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ إِنَّ كُلَّ مَا جَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي صِفَةِ صَلَاتِهِ أَوْ عَنْ أَحَدْ مِنَ رَفَقَاتِهِ مَحْمُولَ عَلَى الْوُجُوبِ حَتَّى يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ وجه إليهم أو وجه إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلمته تلك. Il dit, c'est mieux de l'expliquer de cette manière, أولى, c'est préférable de l'expliquer de cette manière, que de dire إن كل ما جاء عن مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث, on avait expliqué dans la dernière assise, c'est un compagnon qui rapporte, c'est un rapporteur qui rapporte beaucoup de choses d'après la prière du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela qu'on a appris que on peut lever les mains après le takbir. Puisqu'on va apprendre ça aussi, les détails de la prière, on a dit que lorsqu'on dit Allahu Akbar, la sunna du prophète, c'est de lever les mains. De lever les mains à hauteur des épaules, comme on l'a dit. Les doigts serrés, pas les doigts comme ça, les mains serrées et étendues. Étendues en direction de Al-Qibla, à hauteur des épaules. À ce moment-là, on peut dire d'abord Allahu Akbar, et ensuite lever les mains. Lever les mains après avoir dit Allahu Akbar. Ça, c'est rapporté. C'est rapporté, par exemple, dans l'authentique de l'imam Muslim. Qui est-ce qui rapporte cela, justement? Ibn al-Huwayrith. Donc lui, ce rapporteur-là, et il rapporte beaucoup de choses. Malik ibn al-Huwayrith du prophète. En l'occurrence, c'est lui qui rapporte le fait de pouvoir lever les mains après avoir dit Allahu Akbar. Sinon, dans le Bukhari aussi, il est rapporté qu'on peut lever les mains avant ou pendant. Avant, pendant. Les trois manières sont permises. Donc si on commence la prière en faisant comme ça, Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar, j'ai levé avant, ou bien en même temps, Allahu Akbar, c'est permis. Les trois sont rapportés. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dans son livre dit, on peut même tantôt faire cela, tantôt faire cela. Vous allez voir, c'est très important ce qu'on va apprendre à la description de la prière, parce que souvent on fait des erreurs. Vous savez, même l'erreur, on ne dit pas seulement c'est les fidèles derrière qui font des erreurs. Des fois, l'erreur, qu'Allah nous en préserve, et personne n'est exempt d'erreur, hein, on a tous des erreurs, mais on est là pour apprendre. Parfois, l'erreur peut venir de l'imam. Il y a beaucoup d'imams, par exemple, certains, qui pour faciliter aux fidèles le fait de ne pas les devancer, c'est-à-dire que les fidèles derrière ne les devancent pas, parce que c'est interdit de devancer l'imam. Par exemple, de se prosterner avant l'imam, ou de s'incliner avant l'imam. Alors certains, par exemple, imams, se disent, je vais faire takbir lorsque je suis prosterné. Alors ils attendent de faire takbir au moment où il est prosterné, il arrive en bas et dit Allahu Akbar. Pour pas que les fidèles derrière le précèdent. Et là, il est sûr que les fidèles ensuite se prosterneront après lui. Donc lui, il attend d'être prosterné. Une fois qu'il est prosterné, il dit Allahu Akbar. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que les savants disent que takbir al-intiqal, ça c'est un takbir de al-intiqal, du déplacement d'un pilier à un autre, d'un pilier à un autre. Il se fait entre les deux. C'est-à-dire que lorsqu'on se prosterne, on le fait entre lorsqu'on est debout et la prosternation. Allahu Akbar. Donc le takbir se fait entre les deux. Donc, ne pas attendre d'être prosterné pour faire takbir. Certains ont dit, oui, mais c'est pour pas être précédé. Les savants ont dit que cela est une erreur. Wahad al-ijtihad, et cet effort personnel que fait l'imam est faux. Est faux. Et d'ailleurs, et c'est là que certains savants conseillent, disent, ce qu'il faut pratiquer, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si, ensuite, le prieur, le fidèle derrière, se prosterne avant l'imam, c'est lui qui est responsable. Il faut plutôt enseigner aux fidèles derrière de ne pas se prosterner et précéder l'imam. Il faut sensibiliser les fidèles derrière d'être, de prier avec quiétude. Avec tum'anina, avec quiétude, sakina, de ne pas se précipiter et d'attendre que l'imam commence à se prosterner, et de le suivre. Et de kabbar al-imam fakabbiru. Lorsque l'imam dit Allahu Akbar, et il commence, alors fait takbir. Ça, c'est des exemples vraiment qu'on va apprendre. À quel moment on fait takbir, comment c'est toutes ces règles. Et si on apprend bien ça, vous allez voir, on va prier une prière. Imaginez-vous, 15 siècles après, dans ces lieux, en ce temps, en cette époque, de prier une prière comme elle était priée à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous le mérite. Donc c'est pas des choses à négliger. Nouassel el kalam. Qala. Je vais avancer un peu volontairement, puisque la faïda, elle a été dit. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Thaniya. Un octatu thaniya. Kulluma dawama alayhi salat. Kulluma dawama alayhi salam. من أفعال الصلاة وأقوالها فالأصل أنه على الوجوب. Cheikh nous dit que toutes les actions ou les paroles que le prophète Hassan avait l'habitude de dire pendant la prière ou de faire pendant la prière, بالمداومة, c'est-à-dire avec persistance, assiduité, que le prophète Hassan avec assiduité tout le temps il disait ces choses-là. La base, c'est que ces actes ou ces paroles sont quoi ? Obligatoires. Al-asl, lorsqu'il dit l'asl, c'est-à-dire qu'il peut avoir des, ensuite des exceptions, lakin al-asl, c'est que l'acte ou la parole est obligatoire. مَا لَمْ يَأْتِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ سَرْسَمْ تَرَكَهُ وَلَوْ مَرَّةٍ وَاحِدَ فَيُحْمَلْ عَلَىٰ الْإِسْتِحْبَابِ. Par contre, si il nous est mentionné une chose, que le prophète la faisait tout le temps, un acte ou une action ou une parole dans la prière, le prophète il la faisait tout le temps, bilbouda wama, on dit que la base, c'est que cette parole ou cette action-là, ce geste-là, cet acte-là dans la prière, il est obligatoire. Par contre, s'il est rapporté que le prophète l'a délaissé au moins une fois, ne serait-ce une seule fois, yuhmal ala l'istihbab, alors ça veut dire que cette chose est recommandée. Regardez ce qu'il dit. Donc c'est des règles de déduction. Comment on va déduire à travers des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Qala kullu ma dawama alayhi sallallahu alayhi wa sallam min af'ali salati wa aqwaliha fal aslu أنه على الوجوب ما لم يأتي ما يدل على أنه صصم تركه ولو مرة واحدة فيحمل على الاستحباب. Ça c'est des règles vraiment qui sont précieuses, parce que ça va vous aider que lorsque vous allez lire des hadiths, vous allez voir par exemple, il y a des choses le prophète n'a jamais délaissé, actes ou paroles dans la prière. Ça veut dire que ces choses-là, faut les faire, c'est une obligation. Et vous allez voir des hadiths que parfois il est dit que le prophète les a fait, mais parfois il ne l'a pas fait. Parfois, il ne l'a pas fait. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Ça veut dire que c'est mustahab. Et plus on connaît ces règles-là, plus on va maîtriser notre prière et on saura ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, il y a de nombreuses questions que les savants ont étudiées. Il y a de nombreuses questions que les savants ont étudiées concernant la prière. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسلم. Voilà, dans ce deuxième point, l'auteur dit donc que toute chose donc le prophète sallam faisait avec assiduité, et persistance dans la prière, ce qui nous est rapporté parmi des paroles ou des actes qu'il faisait dans la prière, alors cela nous indique que ce sont des actes ou des paroles obligatoires. Obligatoires. Par contre, s'il nous est rapporté que parfois il a délaissé cet acte dans la prière ou cette parole dans la prière, alors ça prouve que l'acte ou la parole est surrogatoire. Elle est recommandée. Elle est recommandée. Yani, comme a dit le Cheikh, fayuhmal ala al-istihbab. C'est pour cela qu'on disait que les savants ont traité beaucoup de questions liées à la prière. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses parfois qu'on veut faire. On veut pratiquer la sunna du prophète, sallam, mais comment la pratiquer cette sunna-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne un exemple. Très important, par exemple, parmi tant d'autres exemples que les savants ont traité comme question. Parfois, on veut suivre la sunna du prophète, mais comment la suivre? La prière, par exemple, du Salat al-Fajr, la prière de l'aube du jour du vendredi. La prière de l'aube du jour du vendredi. Premièrement, c'est l'une des meilleures prières. Salat al-Fajr, fi yawm al-Jumu'ah. Le prophète, sallam, avait habitude de lire dans la première rakat, Surat al-Sajda, la sourate de la prosternation et Surat al-Insan, et la sourate de l'homme, al-Insan. Donc le prophète, le vendredi, fait partie de sa tradition, de sa sunna, dans la première rakat, de lire la sourate de la prosternation et de lire la sourate de al-Insan. Ça, c'est la sunna du prophète, sallam. Les savants disent que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de les lire, mais c'est une sunna, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question se pose beaucoup ensuite, lorsque ils ont vu la longueur des deux sourates, et que ça peut occasionner une sorte de mashaqqa, de difficulté pour certains prieurs, certains qui peuvent par exemple être malades, ou âgés, ou autres. Donc certains ont posé la question, se sont posé la question, est-ce qu'on peut lire une partie? C'est pour ça que vous allez voir que certains parfois imams vont lire une partie de Surat al-Sajda dans la première rakaat et une partie de Surat al-Insan dans la deuxième rakaat. Et pour ici essayer de faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question a été posée aux savants. Est-ce qu'il faut les lire entièrement? Ou bien on peut lire juste une partie pour faire la sunna, pour alléger aux gens. Beaucoup de savants ont dit non. Il n'y a personne qui pourrait être plus soucieux pour la communauté et pour les fidèles, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pour Salat al-Fajr, dans la première rakaa, il lisait la sourate al-Sajda, et pour la deuxième rakaa, il lisait sourate al-Insan, c'est que cela est quelque chose de bénéfique, de bon, et le prophète Sam est le meilleur parmi ceux qui prenaient en considération Hal al-Umma et le Hal des prières. C'est que, alors l'imam peut le faire. L'imam peut le faire. Est-ce que c'est permis de lire juste une partie de Surat Sajda et Surat al-Insan dans la deuxième rakat? Certains ont dit oui, mais une majorité de savants ont dit non. Celui qui veut faire la sunna du prophète, il lit entièrement. Sinon, ce n'est pas une obligation. Il lit autre chose. Mais s'ils veulent faire la sunna du prophète, yaqra, il lit surat al-insan, surat al-sajda dans la première raka'a, et la surat al-insan dans la deuxième raka'a. Ça, c'est, par exemple, des choses qui nous sont rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les savants nous enseignent comment pratiquer ces choses. Regardez, les savants ont même observé le terme Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu par exemple dans la prière, souvent il nous est rapporté Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaf'al kada wa kada. Le prophète faisait telle et telle chose. Lorsqu'il nous est rapporté cela, le prophète faisait telle et telle chose, les savants ont observé. Est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait tout le temps? Ou bien le prophète le faisait pas tout le temps, puisqu'il est dit le prophète faisait telle et telle chose dans la prière. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يفعل كذا وكذا ويقرأ كذا وكذا dans la prière. Et les savants ont observé. Alors est-ce qu'on comprend qu'il faut tout le temps le faire, le Nabi Sassam il le faisait tout le temps, ou bien on comprend que non, on peut le faire tantôt et tantôt ne pas le faire. Ça, c'est des questions vraiment qu'ont étudié ulama sharia. Et c'est pour ça qu'il faut bien étudier ces sujets-là, surtout liés à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. خلاص انتهى الامر. طيب نرجي الكلام في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. سيلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضى وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبارك الله فيكم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.